qui m'a sous persuadé que la société va changer. Non, je n'approuve pas au terrorisme, je ne crois pas au terrorisme, je n'approuve pas au terrorisme, je ne crois pas au terrorisme, quand ils auront assassiné toutes les personnes qui les gênaient, leurs idées ont triomphé, les peuples vont les accepter. Non, je n'approuve pas le terrorisme, je ne crois pas au terrorisme, je n'approuve pas le terrorisme, je ne veux pas de dictature. Ces attentats sont justifiés, car ils sont la défense du peuple. Non, je n'approuve pas le terrorisme, je ne crois pas au terrorisme, je n'approuve pas le terrorisme, je ne crois pas au terrorisme. Le terrorisme, je n'approuve pas. Le terrorisme, je ne crois pas. Le terrorisme.